Le crépuscule embrase le ciel. Radish qu'il veille, fidèle sentinelle. Le vent porte des ombres silencieuses. La nuit commence dangereuse et mystérieuse. Les armes sont prêtes, la team en alerte. Chaque regard porte une promesse ouverte. Les murs tiennent face au vent glacé. Dans ce monde rude, rien n'est jamais oublié. Les pas dans l'ombre marquent la route. Le grain de sans fin, sans aucune déroute. L'espoir est mieux. Les étoiles veillent sur nos pas. Unis pour le combat envers et contre tout bas. L'alliance du crépuscule éclaire la nuit. Radeurs qu'il met. Me suit, chaque bataille forge un nouveau destin. Dans Russe, la survie se construit sans fin. Nos voix s'élèvent fortes et fières, unies pour toujours, défiant la misère. Les forêts vibrent sous les assauts. Les pièges claquent, la tension fait écho. Les raides grondent de feu crépit. La team résiste, jamais elle n'hésite. Les visages fatigués mais déterminés. crâne continue la bataille rugit. Riders qu'il crie, la team construit. Les bases tiennent solides et fières. Chaque victoire est une lumière claire. Le feu brûle, l'espoir grandit. Chaque jour la guerre s'écrit. Le calme vigilance jamais ne chavire. Chaque étoile éclaire la route. Dans cette forêt, la vie est cool. Les voix s'apaisent, la paix revient. La flamme intérieure brille sans fin. Raide est-ce qu'il sourit, prêt à marcher dans ce sanctuaire. La lutte est sacrée. Les sabots frappent, la forêt s'éveille. Les voix s'élèvent, défiant l'éveil. Raide est-ce qu'il met. Construit sans fin, nos voix s'élèvent unies et fières pour la victoire envers et contre la terre. La nuit s'éteint, l'aube se lève dans le street. Qu'il avance.